nur de silo hin à Brezhoneg. C'est l'heure de retrouver hin à Brezhoneg. Vous êtes bien sur RKB pour Hentar Brezhoneg. Comme d'habitude, on commence par Guerriou Arvué, l'émission 392. Et aujourd'hui, on voit le mot harvest. Oui, on va parler un peu de ce mot parce que c'est un mot qu'on entend souvent maintenant dans le breton d'aujourd'hui et qu'on n'entendait pas beaucoup autrefois. Et pourtant, c'est un très vieux mot. Mais il avait un sens complètement différent autrefois. Donc, c'était... En vieux breton, c'était une veillée funèbre. Donc, quand on veillait les morts, c'était un harvest. Mm-hmm. Alors, ça s'écrit avec un V ou un W, hein, en fonction de la prononciation. Moi, je l'écris avec un V, j'ai au plus simple. Mais c'est vrai que dans certains endroits, on dit harvest. Mm-hmm. Et rien à voir avec le Far West. Et c'était une veillée funèbre. Et c'est un mot qui existe également en gallois, hein. Et le verbe, il y avait un verbe qui existe toujours, mais qui a changé de sens, qui est harvesting. Harvesting qui voulait dire veiller les morts. Mm-hmm. Et alors, le fil conducteur de cette évolution, c'est que, en fait, la veillée funèbre, on contemplait la personne, hein, et donc, ça a pris le sens de contemplation, et puis finalement, le sens de spectacle, hein, tout ce qu'on offre à la vue. Oui, le mot spectacle est défini dans les dictionnaires comme ce qu'on peut offrir à la vue. Donc, ça peut être un spectacle très général, hein, on dit le spectacle de la nature, par exemple, ou alors quelque chose qui est prévu, qui est fait pour être montré. Hein, c'est plutôt ça qu'on dit quand on dit le spectacle. Hein. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est prévu pour être montré. Les enfants, d'ailleurs, ont un peu de mal à prononcer ça, des fois. Ils disent un pestacle, hein. Voilà, ils inversent. Donc, le spectacle. Et avec, en français, on dit spectaculaire. Alors, en français d'aujourd'hui, on a tendance à remplacer le mot spectacle par le show. Mm-hmm, c'est vrai. Ouais. Je voyais l'autre jour un titre dans le journal, La patrouille de France fait son show. Et puis alors, pour les salons agricoles, hein, l'agriculture fait son show. Mm. Tout le monde fait son show. C'est dommage parce que le mot spectacle, moi je trouve qu'il est plus beaucoup, il sonne beaucoup mieux. Oui, c'est vrai. Mais voilà, bon, et alors bien sûr l'industrie du spectacle, c'est le showbiz, oui. Le show business. C'est ça. Ouais, voilà. Alors en breton, en tout cas, je pense qu'il vaut mieux dire harvest, hein, puisque c'est un mot celtique, hein, donc qui sonne bien, quoi. Alors, donc je le disais, il y avait un verbe, hein, harvesting, qui était contempler les morts et qui a pris le sens de contempler, admirer, regarder un spectacle. Mmh. Voilà. Alors, bien sûr, il y a des dérivés, hein. Par exemple, harvesteres, hein, qui veut dire l'observation, un harvesteres. Harvest va aussi, avec cette vieille racine va, hein, qu'on utilise assez souvent maintenant pour forger des mots nouveaux, donc qui veut dire un observatoire. On peut dire on harvest l'air aussi, on harvest l'air, quoi, un endroit où on observe. D'accord. Voilà. Alors, les gens qui vont à un spectacle, on les appelle harvesters et au pluriel, harvesteriennes. Hein, c'est un peu ce qu'on appelle des festivaliers, hein, en français, puisque... ceux qui vont voir des spectacles comme ça, hein. Maintenant il y a de gros festivals, hein, et des plus petits aussi, comme le festival Pline par exemple. Mais là c'est plutôt des gens qui participent que des gens qui regardent. À la limite c'est pas mal non plus de participer. Voilà, alors il y a beaucoup de noms mots liés au spectacle, hein. Par exemple Huariva, hein. Huariva c'est le théâtre, hein. Mm-hmm. De Huari, hein, qui est, par exemple, on va dire Orpe Soari, une pièce de théâtre. Voilà. Leuren Huari, par exemple, une scène. Hein. Voilà. Alors, le mot harvest est utilisé aussi pour, par exemple, on dit on tend harvest. Tend harvest, c'est un feu d'artifice. Hein. On dit aussi, par exemple, les spectacles son et lumière, mm-hmm. Hein, un harvest tend à curune. D'accord. Voilà. Alors, bon, il y a un spectacle qui est très répandu, un spectacle mécanique, on pourrait dire, c'est le cinéma. Hein. Alors, le cinéma, bon, ça vient du grec kinéma, hein, c'est la racine qui veut dire mouvement. Mm-hmm. Et en français, c'était le cinématographe au départ, hein. Ce qui a été abrégé en cinéma, mm-hmm. comme les vélocipèdes qui sont devenus des vélos. Maintenant, on abrège en ciné aussi. Hein, au ciné, oui. Alors, où ça va s'arrêter, quoi? Cinématographe, cinéma, ciné, voilà. Ouais. Ouais, on va se faire une toile aussi. Hein, ça, ouais? T'as jamais entendu ça? Non. Ah ouais, ouais, on va se faire une toile, hein. Voilà. Alors, la toile, hein, bon, c'est l'écran, en fait, hein. Scrum en breton, quoi. Alors, il y a le petit écran et le grand écran, quoi. Le petit écran qui est de plus en plus grand, d'ailleurs, aussi. Voilà. Alors, le cinéma, hein, dont on dit le septième art, hein, voilà. Alors, il y a un mot qui est souvent utilisé aussi, c'est abaden. Un abaden, c'est une séance. Hein. Et alors, abaden, hein, on en avait déjà parlé, hein, là-dessus, il y aurait beaucoup de choses à dire. Hein. Une représentation, une émission de radio aussi, quoi. Hein. Un match de foot, même, ça peut être un abaden. Hein. Alors, ça vient de l'occitan obada, qui est passé dans le français obad, hein, qui est un concert qu'on montre à l'aube. Hein. L'aube, voilà. Obada, obad, abaden. Alors là, maintenant, ça n'a plus ce sens de matin, hein, ça a un sens beaucoup plus général. Mmh. Et en breton, on utilise beaucoup abaden. Eschuen hein. Abaden, krogen abaden, mmh. Voilà. Voilà, ben, ma foi, sur cet abaden, on va arrêter là. Très bien, merci Henri. On passe à la deuxième partie d'émission, Brezhonek temps matin. Deuxième partie d'émission, Brezhonek temps matin. Alors, comme on est en 2013, je crois qu'Henri va nous parler des 30 ans d'RKB. Oui, je voudrais commencer à en parler. Tout simplement, puisque là, on vient d'en parler dernièrement au sein de la radio, et puis qu'on commence à élaborer. Il y a une équipe qui travaille là-dessus. Donc, revenir un petit peu sur cette radio, puisque, en fait, l'association avait été fondée 2 ans avant le démarrage de la radio. Donc le démarrage de la radio, c'est en 1983, et l'association a été fondée en 81, dans un contexte de l'époque, hein, c'est-à-dire qu'il y avait eu l'élection de François Mitterrand, et à ce moment-là, il y avait eu la libération des radios, c'est-à-dire ce qu'on a appelé les radios libres. C'est-à-dire que auparavant, on n'avait pas le droit d'émettre, sinon d'être dans un système public. Et donc, en 81, donc il y a eu cette autorisation pour les radios. Et aussitôt, bon, des associations se sont créées. Et il y a eu une floraison de radios libres. Il n'en reste plus beaucoup aujourd'hui, mais à cette époque-là, il y avait une floraison de radios libres. Hein. Chacun bricolait sa radio, et puis ça a démarré comme ça. Et RKB, en fait, qui s'est appelé pendant un petit moment Radio du Centre Bretagne, avant de s'appeler RKB, Radio Kreisbreiz, c'est la même chose, mais en breton. Et en fait, la radio s'est créée de cette façon-là, c'est-à-dire que il y avait déjà eu depuis 1978 un journal parlé sur cassette en Vroplin, qui avait été fondé par le CIVOM de Toulgoulik Kouadmalouen, qui était une association, c'était un peu des précurseurs des communautés de communes, donc avec quelques communes du centre Bretagne ici, et donc dont Saint-Nicolas ne faisait pas partie d'ailleurs. Mais la radio après s'est déplacée sur Saint-Nicodème. Mais à l'époque, donc c'était centré sur l'Henri-Vin plutôt, l'Henri-Vin, Pembrick, Trémargat, Saint-Connan, voilà. Et donc ça a été le début de la radio. Et en fait, les cassettes du Broplin, là, c'était fait comme de la radio. C'est-à-dire, il y avait un journaliste, René Richard, qui allait interviewer les gens pendant un mois. Et puis, on envoyait aux abonnés une cassette, hein, et où il y avait les nouvelles du pays, des gens qui chantaient, des gens qui racontaient des histoires, et tout ça en breton. Et ça a été vraiment le creuset où a commencé à se former la radio. Et donc, il y a eu, le 22 décembre 1981, la première assemblée générale de Radio Kreisbreiz, donc à Plougonvert. Et ensuite, la radio a démarré, hein, de façon très très artisanale, avec l'émetteur de Plogoff, hein, puisque il y avait eu un émetteur pour la lutte contre la centrale électrique nucléaire de Plogoff, et donc comme ils avaient obtenu satisfaction, ils n'avaient plus besoin de cet émetteur, et donc il a été rapatrié à Saint-Nicodème, et c'est comme ça que la radio a commencé. Et c'était dans un autobus? Alors, dans un vieil autocar, ouais, désaffecté, quoi. Alors, je pense qu'au cours de cette année, on va commencer à préparer un peu tout ça, et puis que on va petit à petit revenir sur l'histoire de cette radio. Mais je voulais en dire quelques mots comme ça, pour commencer à faire prendre un peu la mayonnaise, quoi. Et alors, on dévoilera petit à petit ce qui va se passer. Le programme, voilà. Et il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de choses un peu éclatées, enfin, tout ça sera expliqué à la radio. Mais moi, je voulais commencer à en parler un petit peu, et donc j'ai pris un peu ce créneau-là, de Braison de Tomatom. On va pas à Zantol que cette fois-ci, mais voilà, on va à Zandigoud. Très bien, on passe à la troisième partie des émissions, Petrazon et Vervro. Thank you. Troisième partie d'émission, Petra Zonévé Arvroéri. Au cas de drogue, Zonévé Bavro, Armar et mon. Puis dur, on bat non, à bat non, vers Aubern Tud, au Valé, Aubern Trouve, et Kinig, d'un Dut, d'un Douriste, d'un Ahan d'un Dut de Zevro, hein. Ag, c'est tu, Aubern Trouve, Roise ne la ring que tout Pesso Bavro. Bon, déjà, m'avait comme de ce là, Bourdou, à Rontan, Nam zo be brav a mis vwen, pe va mis gwere vel ar der ne zun dut. Hag bon ze zo mad vid an trevad ou an gwell ve ur maiz hag ur betrav eus an ur ala bour mad, hein, gresk mad. Hag bon, pudur neus ket de vwen de zeri, e ben bremañ zo bet o bandour, hag e moa o bandour, ka chom un trao a zir me mestra. Hag setu, bon, amzor vad vid an tourist, amzor vad vid vakanserien, à Gamzorval, vu de la bourrerie de Douar. C'est une équefale bénéfine. Bon, war d'achen la bourdouar, me stras autant m'occuder, nous, heur mar et man, à treize, ma treize un peu sclève, comme de ce zico, y'a ouvert et de vite casse, mes œuvres, hier scorned, hein, zévelard de restitution, à bon, un trouse, au honte de vous de, à nul, vraiment, mais c'est ouais bah de ces vieux combes de pemperoir lasso déjà mais bonne PAI vraiment bonne zo trousse ganzi hein plusieurs ostalio vel dou atili sabaco zo labour à loirzé ag dresi courio vous avez moyenne de gaz bouet scorn de mes de zevro appel de zevro bonne c'est tu zo tant mocudé nous ganzi ou en que pesa mot vos grettes ma 13 nouveau que casse de bouet de scorn de l'RL. Mais wakendondra gwal reiz benefin a kas un trous cornet mames ba broyo vel bro Afrika ma peswan zizo valtre vid un dut zo se vel londet ba enan bon se tu ma trezen vo red de chanche mot de la bourrat bon war dachen nu ou zo kalz guden ou ar mareman pu du repris so aiz el tre à Warland et War et eu leur prise bénéfice de chambre que l'on trouve mames mot de Guéjebit à que c'est tu bonne zo à Kounard des laborerien d'ouar zo hors Uyo bonne ma treize en vos chouleurs en trouve un homme sur deux ondes mais n'est que zu yorangé bonne Bavro Hendel zo calze drôle hein Handelard tard on tombe bep sorbo de musque dur je calze un trouve là que deux yors ban affaire ne ce que quoi le belzo gred or pis fait bras ba corle evident tant Christian Stenou juste one comes des Africa hein Christian Stenou zone din de Styrian ag zo belek azo la bourad hein zo han avement ba vro vide là bon de secrète vide de réglant ba broyose ag ne so ou gred or gwel hein ba corle ag Urze Stad, zo bro etan, Urze Stad, Légion d'honneur, ma peson. Hag, mi gaftin eo an dra valdre, Urze Stad de Christian Stenou. Ka de gal, zo dud verre la meritant, ket zi, hein. Fudur zo waran, ket tos de gant mil dud, hag neus Légion d'honneur, ba, bro France. A dern, dern vetene digantek, rivetape de l'air aspect, war eske loraz, bon, vetene de Urze dem, et bonne vie Christian Stenou, me straillon dravat, reisé dans vie tout de là, bonne grette. Bonne, gwelle mezar, vraiment, zo, honte vous de ur gwelle, roise, vie de, un tigar, gwengam, puis dur, quand un hanteur, quand l'asso, ou abed de digour, de gar, bah, gwengam, c'est tu, ou un train, à tête de Sparis, bêta gwengam, n'est que pelor, hein, gwengam, ou un terminus de un train, a waler oa be kas na han bet a Brest, met ar oa ober de labour ya ou d'or vi kas train bet a Brest, hag oa ke be daoula oa be la ket vi d'orze, c'est tu pa daoula oa be de gwen gant terminus un train. Hag bon, c'est tu vo gred ba mis gwen gol oa re vo gred ar gwel la vize, ba gwen gant. Hendel, ne prestige vos moyennes de velle droite, un arvestant à curune, nabati, bon repos, un brésant de velard bonard et cuillère, de la redé velard, vel in latine. Puis on y a un peu de clave d'Alice comme de sa bâtie bonheur et QM. A roi vigilar, aimera que mes clèmes bédé ma bonheur et QM. Ou alors que Pérec vigilar, on aura bené que Zobin m'a had a bon ve bepla ve gré de narvestan à curun, bah, et non, a zis au bras au tri de veled, ma sen halin montevel, blom, puis dur, pem quoi je votre dramno narvest, a tu de zevros ou a de hoari, bah, pis hoari, a tu de zevros, on bez la rue, les rêles, hein, qu'a cal je du des red cards à vie d'orzé, quoi. Bon. Hendel, plus dur, on te compte de Straw, à zo, Bégret Bavrou, Nevesos, au gré de, au Lever, ou à Jean Gouriou. Jean Gouriou, ou à Tenor Portrait-Joue, Bazan Nicolas, hag neus get calz Portrait-Joue, Portrait-Joueur, Portrait-Joue Bubsa. Hag, vraiment, bon, on disqueza de quoi Bégret, bah, ou à Jean Gouriou, gant, Gevridigues, Glad, Bazan Nicolas. Hag vraiment zo gret o lever hag zo moyen de gad lever zo, de brain o lever zo, pe son dra vat. Ne vezo meus gwell o c'hoaz o a bet votet vid gwen ur bla, gwezen ur bla de la rede, l'arbre de l'année in galak. Ha ma trezen peus be gwaze, ya. Hag zo bet dilen eut benefin, ya, j'vote vije war internet, zezo koz meus ke votet. Mais de votre vigé war internet hag et fen zo war kouldri béar zo bet dilennet vidze quoi lak de gwezen ar bla bon on dra var de vid ar vro se zo fen tu zoar pu dur Hervé Kled ou en jonge de droit ou fen ou ne babla yo zo pu dur mon betagoni je bet distruge de houldri. Mais bénéfine et bémir et de vélo chance, à gué deuil de vous d'un temps, un arroïs de stier béard, quoi. Un symbole m'a besoin de stier béard, quoi. Bon. Hendel Bavro, à revel en vé gret calze drou, de mer ar d'ascoir baloudiak vé gret ar vest ou vide d'ut, tu d'orvro, un touriste, à de yo, un an vé gret bagwengan, à de gwen ar veget trao ou barostren, c'est tu zo moyen don te val et on t'en me bebler, à roas de yo ou veget trao ur chapelio, à grand si, bem di zo moyen de gant trao ou bavro, ya trao ur chapelio veget hag zilgersmad, en deel oa ba compostal, ba chapel compostal, à bremen dramno ba zangil, ba gwar, ba ler yoel roas, hag benefin vo echu hag ba tremal gad an o warnugen de ze mizest. Bon, setu gwelleret hag prestikoaz pe dur kontant de ze vro vo festival plin ban danout. Hag ar bon re de swan de ziz ki zon plin pe kamant de ziz ki dans al pe de gant bon, rez ga o vlija du renan. A waler vo festival fisel evel just, vel bepla. Gwelleret zo kalz e drog d'or, Bavro. Bon, setu un tamm de spesone, vide nan, Bavro. Hag, bon, ben a vegel non gam, vide un distro skol, hein. Bon, ti nar vegel, hein. Nar vegel, Eric.